طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On est arrivé donc au quatrième sous-chapitre, la parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc le sous-chapitre concernant le suivi des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, il doit suivre les actes et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, Al-Bukhari rahimahullah, il insiste sur les actes à cause du fait que les gens, ils pensent que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait fait telle chose, il ait fait telle chose, eh bien, il ne nous est pas obligatoire ou nous n'avons pas à le suivre en cela. Mais il ne l'a pas dit. Il ne nous a pas dit « faites-le ». Juste il l'a fait, ça ne veut pas dire que nous, on doit le faire. Eh bien, cela est faux. Nous devons suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles et dans ses actes. Et donc, Al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite un hadith avec une chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui dit « اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم » خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. Ibn Umar رضي الله عنهما qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم utilisait une bague en or et les gens ont donc commencé, les gens utilisaient aussi donc des bagues en or. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, j'utilisais une bague en or et il l'a jetée. Il a jeté la bague et il a dit, je ne la mettrai plus. Alors les gens ont alors eux aussi jeté leur bague en or. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ainsi que Muslim dans son Sahih. Il y a dans ce hadith, les frères, bien entendu, l'interdiction quant au fait d'utiliser les bagues en or, l'interdiction pour les hommes. L'interdiction pour les hommes d'utiliser les bagues en or. On a aussi un autre hadith qui montre clairement cela, le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, dans Sahihayn, qui nous dit « Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an khatam al-dhahab » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les bagues en or. Et donc le hadith nous montre clairement cela. Et le hadith, il nous montre aussi un autre point, barakallahu fikum, c'est le suivi des compagnons. Dans ce hadith, le prophète, il a dit, je portais une bague en or. Il a jeté cette bague et il a dit, je ne la mettrai plus. Alors les gens ont jeté leur bague. Ils ont jeté leur bague. Ils ont suivi les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que celui-ci ne leur dise « Jetez vos bagues !»« Jetez vos bagues !» Ils les ont jetées. Et ça montre comment ces gens-là, les compagnons, ils étaient accrochés fermement au suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le fait de porter de l'or, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela formellement et il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam que ceci est pour eux ici-bas et pour nous dans l'au-delà. Pour eux ici-bas et pour nous dans l'au-delà. Et donc l'homme ne peut pas porter toutes ces bagues et les colliers et autres en or. Cela a été permis à la femme musulmane, la femme croyante, pour s'embellir. Pour s'embellir. Mais l'homme, non. Le cinquième sous-chapitre. Babu ma yukrahu min at-ta'ammuqi wat-tanazu'i fil-'ilmi wal-ghuluwi fid-din wal-bid'i liqawlillah ta'ala. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Ici le titre qu'a choisi l'imam al-Bukhari rahimahullah, il est un peu long et donc il nous dit le sous-chapitre concernant le fait qu'il est détestable de التعمق. C'est donc ici, parfois on peut le traduire par l'exagération, mais ici non, parce qu'il y a l'exagération qui est citée par la suite. Et donc le fait qu'il est détestable, donc de se charger des tâches que la législation ne nous a pas confiées. Il est détestable de faire ce qui ne nous a pas été rendu obligatoire ou recommandé. Et aussi, il est détestable de débattre dans la science. Et le fait qu'il est détestable d'exagérer dans la religion et d'innover, et tout cela en se basant sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Ya ahl al-kitab, la taghlou fi dinikum, wa la taqoulou 'ala Allah illa al-haq. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Ici, par ce sous-chapitre, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il veut nous mettre en garde contre cinq choses importantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de se charger, de se donner des tâches que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas données et de nous mettre dans des difficultés. Et il veut nous montrer aussi l'interdiction du débat dans la religion. On voit beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce principe ou qui ne l'appliquent pas du tout même. On a les spécialistes du débat sur YouTube. Sur les sites internet, spécialistes du débat avec les gens de l'innovation ou alors avec les incroyants, etc., etc. Comme si cela faisait partie des fondements de notre religion. On verra dans Usul al-Sunnah, l'imam Ahmed rahimahullah qui nous cite les fondements de la Sunnah. Et donc les bases de la sunna, suivie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces fondements, l'imam Ahmed, il nous dit au début du livre, normalement on y est presque, si on reprend les fondements de la sunna, ça sera dans les prochains jours si on reprend les fondements de la sunna. Et donc au début du livre, il nous cite parmi les fondements de la sunna, wa tarkul jidali ma ashabil ahwa. Et le fait de ne pas débattre avec les gens de la passion. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas débattre avec les gens de la passion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans Jami al-Tirmidhi et autres, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Il dit, aucun peuple ne se sont égarés après avoir été sur la guidée sans qu'ils aient débattu. Sans qu'ils aient débattu. Et donc le débat est blâmable. Le débat est blâmable. Les grands imams de l'islam évitaient les débats. L'imam Malik, rahimahullah, on vient le voir, on lui dit, oh imam, mais tu es l'imam Malik. Une montagne. Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter un verset ou un hadith ou autre? Il dit, mon cœur n'est pas entre mes mains. Mon cœur n'est pas entre mes mains. Et donc aujourd'hui, les gens vont se filmer à faire des débats, alors que les gens de l'innovation ou les incroyants, lorsqu'ils vont débattre, pourquoi ils vont débattre? C'est pour avoir la possibilité de faire les gens entendre leurs ambiguïtés. Et toi, tu vas leur donner cette possibilité. Parce que des gens vont venir écouter ton débat, ils vont venir écouter ton argumentation. Et ils vont entendre ces ambiguïtés des incroyants. Et il se peut que l'ambiguïté, elle reste et que ta réponse ne soit pas suffisamment forte. Et c'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, il parle à son prophète et il lui dit, Ma darabuhu laka illa jadala. Ils ne t'ont cité cela que pour débattre. Ils ne t'ont cité cela que pour débattre. Belhum qawmun khasimun. Mais ce sont des gens qui débattent beaucoup. Ce sont des gens qui débattent beaucoup. Et donc le croyant ne doit pas être comme ça. Pourtant, vous allez me dire, mais Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé son prophète à débattre. Wajadilhum billati hiya ahsanu. Et débat avec eux de la meilleure façon. Alors comment on fait pour rassembler ces textes qui nous montrent le fait qu'il ne faut pas débattre et les textes qui nous montrent qu'il faut débattre de la meilleure des façons? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a un débat qui va être blâmé dans la religion, rejeté, que nous ne devons pas faire, et un débat qui est louable lorsqu'il y a certaines conditions qui sont réunies. Parmi ces conditions, il y a premièrement le fait que celui avec qui tu vas débattre Tu vas débattre avec lui parce que lui, il vient pour connaître la vérité. C'est pas une personne qui vient débattre avec toi. Hey, je veux te montrer que je suis sur la vérité, que ta religion, c'est une mauvaise religion. Et tiens, je veux débattre avec toi. Je veux un débat tout de suite là. Alors, comment ça se fait que dans le Coran, vous avez ci, ça, ça, ça? Celui qui vient avec toi comme ça, tu lui dis, regarde, garde ta religion et je garde la mienne. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Comme dans le Coran, tu as ta religion et moi j'ai la mienne. Je ne vais pas débattre avec toi. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Combien de fois vous avez vu dans des débats, ces débats qu'on voit sur YouTube ou autre, combien de fois vous avez vu que celui qui fait le débat, à la fin, il accepte l'islam? Moi, je n'en ai pas vu. Il se peut que ça arrive, mais moi, je n'en ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'en général, ces gens qui viennent débattre comme ça, ils ne veulent pas la guider. C'est des gens qui veulent pour chercher à enfoncer l'islam. Et donc, la question, c'est est-ce que toi, tu vas les permettre de propager leurs ambiguïtés ou pas? Et donc ce débat-là, il est blâmable. Le débat qui est louable, c'est quand lorsque une personne vient te voir, elle te dit, franchement, il y a un truc que je n'ai pas bien compris dans votre religion, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Ce n'est pas pour essayer de me moquer ou quoi, c'est juste parce que j'aimerais bien comprendre, je cherche, tu vois. Je cherche. Comme c'est déjà arrivé, il y en a un qui est venu à la mosquée de Balata, et il est venu, il m'a posé des questions, c'était un débat. C'était un débat. 2 heures après, il s'est converti. 2 heures après, il s'est converti. Il est venu pour débattre. Comment ça se fait que la femme musulmane, elle n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman, mais que le musulman, l'homme musulman, a le droit de se marier avec une femme non-musulmane. Comment ça se fait? Il est l'héritage. Etc. Etc. Il est venu avec plusieurs questions comme ça. J'ai essayé de répondre à ces questions, à la fin il s'est converti. C'est quelqu'un qui est venu, il avait des questions. Il n'est pas venu pour débattre et chercher à montrer que sa religion est la meilleure et que l'islam n'est pas la bonne religion. Et donc il faut qu'on arrive à reconnaître quels sont les débats louables et les débats qui sont blâmables. Et donc il faut qu'on fasse attention à nos cœurs, il faut qu'on fasse attention, nous ne sommes pas préservés de tomber dans un égarement. Et donc, nous devons faire très attention à ça. Parmi les choses que l'imam al-Bukhari il nous montre dans ce sous-chapitre, donc aussi l'interdiction de l'exagération, comme on le verra clairement, inshallah ta'ala, ainsi que l'interdiction de l'innovation. Le fait qu'il est interdit d'innover dans la religion et qu'il est innové de dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. Allah Azzawajal qui dit, comme dans le verset qu'a cité l'imam al-Bukhari, Ya ahl al-kitab, ô gens du livre, La tarlou fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion, wala takoulou ala Allah illa al-haq, et ne dites d'Allah que la vérité. Si tu parles d'Allah, si tu parles de la religion d'Allah, tu ne dois dire que la vérité. Il n'y a pas de moi pour moi. Ça, c'est un truc de notre époque, ça. Le fameux pour moi. Pour moi, je pense que. Pour moi, je pense que. À mon avis, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Selon moi, etc. Tout ça à mettre de côté. Parce que là, tu ne parles pas de toi. Tu n'es pas en train de parler de ta propre personne. Tu es en train de parler de la religion d'Allah. Et donc, si tu dis quelque chose qui est faux dans cette religion, tu auras menti sur Allah. Et donc, il est important qu'on fasse attention. Si tu veux parler de la religion d'Allah, alors tu apprends avant. C'est important d'apprendre avant. Quelle est la religion d'Allah? Le premier hadith qu'il nous cite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc un hadith qui monte jusqu'à Abi Huraira, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuwasilu. La tuwasilu. Ça veut dire quoi, la tuwasilu? On a 19 minutes, le temps passe vite. Ça veut dire quoi, la tuwasilu? C'est-à-dire. C'est el-wissal, c'est le fait de lier le jeûne du jour et le jeûne de la nuit. C'est-à-dire le fait de lier 2 jeûnes sans avoir de rupture. Tu vas jeûner la journée. Lorsque le maghrib arrive, tu ne romps pas ton jeûne et tu continues à jeûner. Et le lendemain, tu continues à jeûner. Et le lendemain, tu continues à jeûner. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela. Il pouvait jeûner la journée, ne pas rompre la nuit. Il continue de jeûner la nuit. Et le lendemain, il continue de jeûner. Et le prophète, il a interdit cela à ses compagnons. Ils ont dit, tu le fais. Mais tu le fais. Pourquoi? Parce qu'eux, ils le faisaient. Donc le prophète, il leur a interdit de le faire. Alors ils lui ont dit, mais tu le fais. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inni lestu mithlakum. Je ne suis pas comme vous. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Certes, je passe ma nuit et mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Je ne suis pas comme vous. Alors ne le faites pas. Falam yantahu anil wisal. Alors ils n'ont pas arrêté de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le prophète qui faisait. Alors ils voulaient faire aussi. Ils n'ont pas arrêté. Qala fa wasala bihim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawmayn aw laylatayn thumma ra'a al-hilal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc continué à jeûner sans rompre pendant deux jours ou deux nuits, et ensuite ils ont vu la lune, c'est-à-dire la lune qui annonce la fin du mois de Ramadan. Alors il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkili lahum. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si la lune avait tardé, et donc si la lune n'était pas venue maintenant, j'aurais encore continué le wissal. Lazidtukum, j'aurais encore continué. Il a dit ça pour les blâmer. C'est-à-dire, ce n'est pas juste deux jours. Si le mois de Ramadan continue encore, j'aurai encore continué le wissal. Pour que vous arrêtiez de me suivre. Pour que vous arrêtiez de faire cela. Parce que je vous ai déjà dit, je ne suis pas comme vous sur cela. Je ne suis pas comme vous. Et donc, il y a dans ce sujet, dans ce hadith, l'interdiction de faire el wissal. Le fait de jeûner le jour, ne pas rompre et continuer la nuit. Mais il y a dans une narration, ce qui montre que c'est permis de le faire jusqu'à As-Sahar. As-Sahar, c'est la fin de la nuit juste avant le Fajr. C'est le moment où les gens vont se préparer pour le jeûne du Ramadan. Les gens qui se réveillent la nuit pendant Ramadan pour manger un peu avant Fajr, cette période-là, ça s'appelle As-Sahar. Dans une des narrations, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voulez le faire, si vous voulez vraiment le faire, alors faites-le, mais jusqu'au Sahar. Alors faites-le, mais jusqu'à ce moment-là, avant le Fajr. Avant le Fajr, vous rompez votre jeûne pour vous préparer pour le jour d'après, et après vous jeûnez. Et donc, ici, il y a aussi dans ce hadith le fait que nous ne devons pas nous confier des tâches qui sont trop lourdes pour nous. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrait la facilité dans cette religion, et que nous ne devons pas chercher la difficulté. Dans le hadith d'après, un hadith donc qui cite que Ali ibn Abi Talib ibn radiyallahu anhu, il a fait un sermon. Il a fait un sermon. Wa alayhi sayfun fihi sahifatun mu'allaqa. Il avait sur lui donc une épée qui était. Donc, il avait une épée, et sur l'épée, il y avait donc un parchemin qui était lié, attaché. Fekol, alors Ali, il dit, Ibn Abi Talib, Wallahi, ma indana min kitabin yukra'u illa kitabullah, wa ma fi hadhihi sahifa. Par Allah, nous n'avons pas de livre qui est récité en dehors du livre d'Allah. Et ce qu'il y a dans ce parchemin. Fanasharaha. Alors il a ouvert le parchemin. Fa'idha fiha asnanul ibil. Et donc il y avait dans ce parchemin les âges des chameaux. Les âges des chameaux, c'est-à-dire ce parchemin nous montrait quels sont les âges ou à quel âge nous pouvons donner tel et tel chameau en expiation. Comme nous l'avons pour, par exemple, pour le Eid, ce n'est pas n'importe quel mouton que tu vas pouvoir sacrifier pour le Eid, mais il y a des âges spécifiques. وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Il y avait aussi dans ce parchemin, El Medina, la ville de Médine, est sacrée de Aïr, à partir de Aïr. Aïr, c'est une montagne. Donc de Aïr, de tel endroit jusqu'à tel endroit. Alors celui qui innove à Médine, celui qui innove, hadathan, dans certaines explications, c'est une innovation. Dans d'autres explications, c'est le fait de faire tout ce qui contredit la sunna. Et parmi cela, il y a les innovations. Et donc celui qui va contredire la sunna ici à Médine, alors il aura sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Et Allah n'acceptera rien de lui. La yakbalu minhu sarfan wa la adlan. Et il y avait aussi cité dans ce parchemin, dhimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yakbalu Allah minhu sarfan wa la adlan. Et donc il y a aussi cité dans ce parchemin la Dhimma, la protection des musulmans est unique. Le plus petit d'entre eux peut l'avoir, peut œuvrer avec. Alors celui qui trahit un musulman, il aura sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Allah n'acceptera rien de lui. Tout ça, on va l'expliquer, inshallah ta'ala. Il y avait aussi dans ce parchemin, من والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Et donc celui qui s'attribue à autre, ou qui s'affilie, excusez-moi, celui qui s'affilie à autre que ceux qui l'ont libéré, il aura sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes, et Allah n'acceptera rien de lui. Et donc dans ce hadith, il y a plusieurs point important qu'on va citer rapidement, inshallah ta'ala. Premièrement, une réplique à qui? Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, un groupe parmi les chiites. Et donc ceux qui nous disent que Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un meilleur livre que le Coran. Ils nous disent qu'ils ont avec eux quelque chose qui est meilleur que le Coran, ou quelque chose qui est autre que le Coran et la Sunna. Et ici, dans ce hadith, Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il a fait le sermon, il a dit « Wallahi, ma indana kitabun yukra, illa kitabullah wa ma fi hadhihi sahifa. » Il a dit « Par Allah, nous n'avons pas de livre qui est récité en dehors du livre d'Allah et ce qui est contenu dans ce parchemin, la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et donc à ce moment-là, les Rawaf, tu leur dis, mais comment se fait-il que Ali il dit ça, si vous prétendez avoir mieux? Alors que Ali lui-même ne le dit pas. Et donc ici, il y a dans ce hadith une réplique au Rawaf. Il y a aussi dans ce hadith la mise en garde face à l'innovation. La mise en garde face à l'innovation. Cette sanction très terrible pour celui qui va innover à Médine et qui va contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet endroit est un endroit sacré, et donc les péchés sont décuplés. Nous devons faire attention à ne pas innover, que tu sois à Médine ou ailleurs, mais le fait de le faire à Médine est encore plus grave. Il y a aussi dans ce hadith une réplique aux terroristes. Une réplique aux terroristes. Le prophète qui nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la protection des musulmans est unique. Qu'est-ce qui est voulu par la protection? Ici, l'engagement de protection. C'est-à-dire, le fait qu'un musulman dise que tel et tel non-musulman est sous sa protection. Tel et tel non-musulman est sous ma protection. Ne le touchez pas. Et donc, lorsque tel et tel non-musulman vient dans un pays musulman, et qu'il a son visa. Il a donc l'autorisation du gouverneur musulman. Et que toi, tu viens, tu accomplis un acte terroriste. Tu rentres dans ce hadith. Et donc, barakallahu fikoum, il est très important de bien comprendre notre législation. Il n'y a pas de terrorisme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas non plus d'exagération dans la sunna ni dans le Coran, comme a pu le montrer un certain imam de France dans un de ses livres, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tashaddada, il est devenu donc dur et exagérateur quand il est arrivé à Médine. Et donc, ça c'est de la mécréance, hein, je vous le dis tout de suite. Ça c'est de la mécréance. Ça c'est de la mécréance. Et donc, il est donc important de comprendre, il n'y a pas de terrorisme ni d'extrémisme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi dans ce hadith un point important, et c'est le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça, le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui. Il y a aussi dans ce hadith un point important, les frères, barakallahu fikoum, un point concernant l'esclavage. Ça, l'esclavage, c'est un sujet qui nous concerne, ici en Martinique. Et parfois, certains peuvent avoir une ambiguïté par rapport à l'esclavage en islam. Et j'ai déjà dit, barakallahu fikoum, que premièrement, l'esclavage existait déjà bien longtemps avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais que tous les peuples pratiquaient l'esclavage. Tous les peuples pratiquaient l'esclavage. Et donc même ceux qui aujourd'hui veulent essayer de critiquer les musulmans, leur critique revient sur eux-mêmes, car eux-mêmes ont pratiqué l'esclavage. Ça c'est premièrement. Et je dis bien, c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui est voulu par l'esclavage ? L'esclavage, le lien qu'il y a entre l'esclavage pratiqué par les, qui a été pratiqué par les musulmans et l'esclavage qui a été pratiqué par les non-musulmans, le lien qu'il y a entre les deux, c'est le mot esclavage. Mais sinon, la réalité montre que les deux n'ont rien à voir. La réalité montre que les deux n'ont rien à voir. Et parmi les éléments qui montrent cela, c'est le fait que l'esclave musulman, son maître n'avait pas le droit de le frapper. Son maître n'avait pas le droit de le frapper. L'esclave musulman, si l'esclave, pas l'esclave musulman, mais l'esclave du musulman, si l'esclave voulait se marier, alors il était obligatoire au maître de le marier. Obligatoire. Au maître de le marier. Contrairement à ce qu'on pouvait voir ici. Il y a énormément d'éléments qui montrent la différence entre les deux. Énormément. Ici, je vais, parce que je ne veux pas m'étaler trop sur le sujet, mais je sais que par rapport à la Martinique, ça serait bien un jour de faire une conférence sur le sujet où on détaille les différences entre les deux. Et là, ça pourrait étonner beaucoup de personnes. Mais un autre point, barakallahu fikoum, le sujet du hadith d'aujourd'hui, c'est que si on regarde les peuples qui ont pratiqué l'esclavage et ceux qui ont écrit le code noir, etc., ces textes qui appellent à l'esclavage, ces textes qui appellent à l'esclavage, il n'y a pas de texte en islam qui appelle à l'esclavage. Tu ne trouveras pas un verset dans le livre d'Allah qui appelle à prendre des esclaves. Tu ne trouveras pas un hadith qui appelle à prendre des esclaves. Mais les esclaves étaient présents à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglementé cela. Mais il n'a pas incité à prendre des esclaves, bien au contraire. Il a incité à libérer les esclaves. C'est pour ça que dans le Coran, tu ne vas pas trouver de texte qui incite à prendre des esclaves, mais tu vas trouver des textes qui incitent à libérer des esclaves. Dans la Sunna, même chose. Et ce hadith qu'on voit aujourd'hui nous montre quelque chose. Celui qui s'affilie à autre que ceux qui l'ont libéré, il aura sur lui la malédiction d'Allah, des anges et donc des hommes. Pourquoi ? Il faut savoir que la législation musulmane incite à la libération des esclaves bien avant l'abolition de l'esclavage française. Et donc la religion musulmane incitait à la libération des esclaves et accordait de grandes récompenses pour cela. Parmi les récompenses, il y a le fait que celui qui libère un esclave a droit à une part de son héritage. Celui qui libère un esclave et qu'ensuite cet esclave vient à mourir, alors celui qui l'a libéré a droit à une part de son héritage. Cela pour inciter les gens à libérer des esclaves. Et c'est pour cela que le prophète il nous dit, et donc celui qui s'affilie à autre que ceux qui l'ont libéré. Celui qui s'affilie à autre que ceux qui l'ont libéré. C'est-à-dire que quelqu'un a été esclave et qu'ensuite on lui dit, non mais c'est nous qui prenons, d'autres personnes que ceux qui l'ont libéré lui disent, nous prenons l'héritage, nous, on veut ton héritage. On veut ton héritage. Et que celui-là dise, ok, d'accord. Sauf que cela est interdit. Celui qui a droit à cet héritage, c'est celui qui t'a libéré. Et ne va pas dire que quelqu'un d'autre t'a libéré afin que toi, tu touches, afin que celui-ci touche ton héritage alors que ce n'est pas lui qui t'a libéré. Et donc la législation musulmane appelle à la libération des esclaves et a mis plusieurs récompenses. Pour cela, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.